Bonjour et bienvenue, le magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses et donc de sortie. Nous sommes en direct du festival des rendez-vous de l'histoire à Blois. Bonjour au public. Cette 22e édition a pour thème l'Italie, alors nous allons nous intéresser à des savants italiens qui ont marqué l'histoire des sciences. Nous commencerons par l'un des plus célèbres astronomes, si ce n'est le plus célèbre, Galilée. Nous reviendrons sur ses découvertes avec l'astrophotographe et historien Olivier Sauzereau. Mais Galilée n'éclipsera pas tous les autres, nous verrons que la galaxie des astronomes italiens est bien plus vaste. Vers 16h45, petit retour vers le présent, nous serons en ligne avec un astrophysicien de notre époque, mais dont la découverte marquera l'histoire, Didier Queloz, l'un des trois lauréats du prix Nobel de physique 2019. Il est récompensé pour avoir découvert la première planète évoluant hors du système solaire, autour d'une autre étoile. En deuxième heure, à 16h, nous nous intéresserons à un Italien qui, 500 ans après sa mort, fascine les esprits et déchaîne toujours les passions. Léonard de Vinci, cet homme voulait saisir tous les secrets du monde. Les milliers de pages et de dessins qu'il a laissés attestent de son insatiable curiosité dans des très nombreux domaines, mais cet autodidacte que l'on présente souvent comme le plus grand génie de tous les temps, est-il vraiment l'auteur de découvertes scientifiques majeures? Nous en parlerons avec les historiens Laure Fagnard et Pascal Briouat. Et en toute fin d'émission, eh bien nous passerons en cuisine avec l'archéologue Fabienne Ravoir, qui s'est intéressé à ce qu'il y avait sur les tables à la Renaissance. Voilà pour le sommaire de cette émission spéciale en direct de Blois, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Fabien Gosset, Marcos Darras et Stéphane Anne Beaujean. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Le ciel est à l'image de la terre. Oui, ou bien le contraire. Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Oui. C'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus dessous. Bonjour Olivier Sauzereau. Bonjour. Vous êtes astrophotographe, historien des sciences. Dans ce festival des rendez-vous de l'histoire, vous avez présenté une conférence intitulée « Italie, terre d'astronomes ». Et c'est vrai que beaucoup d'astronomes italiens ont marqué l'histoire des sciences, à commencer par Galilée. Il est peut-être le plus célèbre astronome de tous les temps. Quand a-t-il vécu et dans quel contexte historique ? Alors, Galilée va devenir célèbre dans le premier tiers du XVIIe siècle. Il exerce déjà depuis la fin du XVIe siècle. À l'origine, ce n'est pas un astronome. C'est un physicien, c'est un universitaire. Il ne correspond pas du tout à la définition que l'on se donne d'un astronome qui, à l'époque, sont des savants qui vont faire des mesures de hauteur d'astre, qui vont déterminer le calendrier, la mesure du temps. La figure de l'astronome, par exemple, c'est Tycho Brahe, grand astronome, grand observateur. Et Galilée n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est un physicien. Mais c'est quelqu'un qui aime expérimenter et qui va entendre parler, en avril-mai 1609, d'une découverte assez étonnante qu'on appelle la lunette hollandaise. Cette espèce de tube dans lequel vous avez deux verres convexes qui permettent d'agrandir, d'observer de loin des objets qui nous paraissent beaucoup plus proches. Les savants n'ont pas tendance à s'intéresser à cet objet, sauf les opticiens, qui est un objet qui déforme beaucoup la réalité. Si vous mettiez l'œil à l'oculaire de ses premières lunettes, vous avez ce qu'on appelle les défauts de chromatisme. Et comment peut-on faire de la science avec un objet qui déforme autant la réalité? Ouais. Donc Galilée, contrairement à ce qu'on dit, n'invente pas la lunette. Il n'invente pas la lunette. Mais il comprend le potentiel que pourrait avoir cet instrument. Et il invente l'idée de la lunette astronomique, ouais. C'est-à-dire de l'idée d'utiliser cet instrument qui remporte du succès dans les salons, dans les foires. À la foire de Francfort, on sait que la lunette remporte un énorme succès, mais comme les attractions au jour d'aujourd'hui, le cinéma à 360 degrés ou interactive ou dynamique, etc. C'est un instrument qui va fasciner. Lui va le transformer comme un objet de laboratoire, comme un instrument qui va permettre de faire la science. Alors, tout départ, il arrive à construire une première lunette. Liée aussi, il y a une particularité géographique qui est liée au fait qu'il est à Padoue, non loin de Venise. Et Venise, ce sont les grands maîtres verriers. Et là, il y a une proximité géographique avec cette cet art du verre. Et on sait que à Galilée, tu allais chercher un morceau de verre chez un des meilleurs maîtres verriers à Venise, dans lequel il va tailler ses premières lentilles. Et en 1609, Galilée pointe pour la première fois une lunette de sa fabrication vers le ciel. On avait la possibilité, vous savez, d'être retour dans le futur, on demandait, mais c'est quoi le moment que vous auriez envie de vivre, sans nul doute, c'est le 30 novembre 1609, ce moment, il a commencé déjà à pointer une lunette vers la Lune, mais elle n'était pas encore très très bonne, mais à la fin du mois de novembre 1609, j'aurais voulu être avec Galilée, dans sa terrasse de la villa de Padoue en Toscane, et un magnifique croissant de lune, et là, il doit avoir une émotion fantastique. Mmh. Et là, il va, en quelques nuits, dit-on, c'est discutable, bien évidemment, de cette formulation, mais on dit qu'il va faire plus de découvertes qu'en 2000 ans d'observations astronomiques. Mais c'est vrai qu'il révolutionne notre vision du ciel. Grâce à sa lunette, Galilée va voir la Lune comme personne ne l'avait observée avant lui. Dans la partie sombre, à proximité du bord intérieur, il y a des points de lumière. Ils apparaissent l'un après l'autre. Comment t'expliques-tu ces points de lumière ? Cela ne peut pas être. Ce sont des montagnes. Des montagnes sur une étoile. Des montagnes gigantesques dont la pointe est dorée par le soleil levant, tandis que tout autour, la nuit reste encore dans les pentes. Ce que tu vois, Sagredo, c'est la lumière qui des plus hautes cimes détend jusqu'au fond des vallées. C'est en contradiction avec 20 siècles d'astronomie. Oui. Ce que tu vois là, personne encore ne l'a vu à part moi, tu es le second. Mais il est impossible que la Lune soit une terre avec des montagnes, des vallées. Il est possible que la Lune soit une terre avec des montagnes et des vallées, possible que la Terre soit une étoile, un corps céleste et rien de plus parmi des milliers d'autres. Il observe des montagnes, des vallées, il voit la Lune dans le détail. Oui. Alors il faut préciser qu'il n'est pas le premier, puisqu'un Anglais avait déjà pointé une lunette quelques mois auparavant et avait déjà distingué des sortes d'aspérités. Mais là, Galilée va beaucoup plus loin à la précision de sa lunette. Il a sans nul doute l'instrument le plus précis au monde à cette époque-là, qui doit grossir à peu près une vingtaine de fois. Et Galilée va enchaîner les découvertes les unes après les autres. Il va écrire, j'ai l'impression, en observant la Lune, effectivement, d'observer une autre Terre. Vous imaginez la boîte de Pandore que l'on ouvre, parce que la Lune, beaucoup pensaient que c'était une boule parfaite. Il y avait une différence entre le monde sublunaire, le monde de l'humanité, des quatre éléments, le monde du mouvement vertical, les choses ont une naissance, une vie, une mort, et le monde supralunaire, qui était le monde du mouvement éternel, céleste, circulaire, où rien n'apparaissait, n'évoluait, et tout d'un coup, il observe une autre Terre. Alors, il s'intéresse à la Lune, il s'intéresse à bien d'autres choses. Il découvre la nature de la Voie lactée aussi. Une grande découverte. On a une idée assez floue, pour ne pas dire fausse, de ce qu'est ce ruban un peu laiteux que l'on observe. Cette grande bande laiteuse, quelle est-elle ? Ce nuage, effectivement, dans le ciel. Et Galilée, en un coup d'œil, comprend ce que vous pouvez faire vous-même avec une simple paire de jumelles, que la Voie lactée est constituée d'un nombre incalculable d'étoiles. Il découvre aussi, en pointant sa lunette vers les Pléiades ou vers la constellation d'Orion, qu'il y a un nombre incroyable d'étoiles qu'on ne voyait pas à l'œil nu, qui était invisible à l'œil humain, que l'univers est beaucoup plus grand, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche que ce que l'on imaginait. Mais sa plus grande découverte, elle est à venir en janvier 1610. Alors là, qu'est-ce qu'il découvre ? Il pointe sa lunette vers Jupiter. Jupiter, on la voit en ce moment le soir encore pour quelques semaines après le coucher du soleil. Si vous avez une petite lunette, même à 30 euros, faites l'expérience. Ouais. C'est merveilleux. Vous allez voir le petit globe de Jupiter. Donc déjà, Jupiter n'apparaît plus comme une étoile, mais comme un petit globe à la différence des étoiles. Et surtout, il est fasciné par le fait qu'il voit trois étoiles parfaitement alignées. Il comprend pas. La nuit suivante, il réobserve, je crois qu'il n'y en a plus que deux, je crois qu'après il ne fait pas beau, il est furieux, il réobserve la nuit d'après, il ne comprend toujours pas. Il va s'écouler comme ça pratiquement 7 ou 8 jours, où il voit ces points de lumière qui bougent, c'est incompréhensible, jusqu'à ce que le soir du 14 janvier 1610, on s'était promené le long de la villa de Padoue, de la villa de Galilée, probablement qu'on aura entendu un juron suivi d'un Eureka, il a compris, qu'il vient de découvrir 4 lunes, il va appeler ça 4 étoiles, 4 petites planètes, 4 nouveaux astres, ce qu'on appelle aujourd'hui des lunes galiléennes, qui tournent autour de Jupiter. C'est quelque chose de fantastique parce que c'est la première fois qu'on découvre de nouveaux astres mouvants, de nouveaux astres vagabonds, de nouveaux astres des planètes, et quatre d'un coup. Et la découverte est d'autant plus prodigieuse que l'un des arguments, et on va en arriver dans le débat sur cette révolution copernicienne, est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre? Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Un des arguments qui était avancé par les défenseurs du système de Ptolémée de la physique d'Aristote, c'est que si la Terre tournait autour du Soleil, impossible, elle ne pourrait pas garder la Lune qui, elle, tourne autour d'elle. Eh bien, Galilée dit... Eh ben, Jupiter tourne bien autour de quelque chose, soit autour de la Terre, soit autour du Soleil. Mmh. Eh ben, elle a quatre lunes, elle ne les perd pas. Oui. Votre argument ne tient pas. Oui. Voilà donc Galilée qui arrive sur un terrain où l'Église n'est pas forcément très d'accord avec ça. On n'a pas envie que le Soleil ne soit plus le centre, que la Terre ne soit plus le centre de l'univers et que peut-être le Soleil soit le centre du système solaire. C'est un gros problème. Nous sommes effectivement à peu près 70 ans après la publication du Revolutionibus Orbium Celestum, le grand livre de Nicolas Copernic, ouais. qui est un livre de mathématiques de très haute tenue, où il va émettre l'idée que la Terre... comme le dit Nicolas Copernic, est un astre, comme les autres qui tournent autour du Soleil. Il en fait tout un développement mathématique. Cette phrase, « La Terre est un astre comme les autres », est une boîte de Pandore. Eh oui. Copernic n'a pas osé inverser la phrase, ce que fera Giordano Bruno. Eh. Si la Terre est un astre comme les autres, eh ben les astres sont d'autres terres. Et qu'est-ce qui fait que sur ces autres terres, il n'y aurait pas d'autres formes de vie ? Quid finalement de notre rapport humain avec Dieu, avec le cosmos ? Jusqu'à présent, on était dans un cosmos qui était rassurant, qui marchait très bien, mathématiquement parlant. Il ne faut surtout pas se moquer de ces anciennes conceptions du monde. Alors, qui est-il ? Alors, Copernic, lui, il s'en sort assez bien parce que finalement, il publie ses théories juste avant de mourir. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. Et il quitte la scène. Giordano Bruno, lui, qui est-il ? Il est un petit peu... Bon, c'est un contemporain de Galilée, mais il commence à défendre ses théories un peu avant Galilée. Hein. Oui, tout à fait. Giordano Bruno meurt 9 ans avant les premières observations de Galilée. C'est un théologien, un philosophe, un savant dans le sens non pas qu'il fait de l'expérience ou de la science telle qu'on l'entend au jour d'aujourd'hui. C'est un philosophe, voilà. Ouais. Et c'est un copernicien convaincu, ouais. dans le sens où il va aller même beaucoup plus loin que ce qu'avait pu affirmer Nicolas Copernic, et au point que oui. tout cela va mal se terminer. Alors il va défendre ses idées, notamment devant les savants de son époque, et à la Sorbonne, notamment dans les années 1580. La théorie de Ptolémée, qui fait de la Terre le centre du monde, est fausse. L'univers est infini. Le Soleil est une étoile. La Terre et les autres planètes gravitent autour de lui. Inacceptable! Tissu d'erreur! Sa thèse est une farce! Mais laissez-le parler, que diable! Wow. Il me reste à préciser les plus importantes de mes certitudes. Tous les mondes, connus et inconnus, le sein de Dieu les engendra pour devenir les foyers de la vie. Tous, ils ont été, sont ou seront habités par des créatures intelligentes. Oh, tu as été y voir sottise. Il descend tout droit de la Lune. Assez. Votre chétive conviction n'a que le vacarme pour refuge. Il va loin, Giordano Bruno, et il va vraisemblablement trop loin pour son époque et son contexte, puisque en 1600, pour ses propos... Entre autres, ouais. il va être brûlé. Place des Fleurs à Rome suite à un procès terrifiant intenté par l'Inquisition. Alors il y a ces thèses coperniciennes, il n'y a pas que cela. Ouais. Quelles également. Sont les autres raisons qui... Oh, j'ai pas travaillé personnellement sur Giordano Bruno, donc je n'oserais pas développer sur la problématique de Giordano Bruno qui est très très complexe. Mais cette partie-là, bien entendu, de sa défense de la pluralité des mondes, ouais. Faut bien avoir conscience que jusqu'à présent, on était dans un cosmos depuis l'Antiquité. Qui est un cosmos de bon sens. On dit bien toujours, dans le langage courant, le soleil se lève et le soleil se couche. Ouais. On est de Ptolémée quand on emploie cette phrase-là. Si je vous dis, là en ce moment, on va à 107 000 km/h, Ça surprend quand on entend ce chiffre pour la première fois. C'est la vitesse de la Terre dans ce mouvement de révolution autour du Soleil. C'est quelque chose qui va être bouleversant. Tout d'un coup, l'univers fait peur. On sent la Terre se dérober sous nos pieds avec cette idée en plus qu'il doit y avoir peut-être, effectivement, une multitude de mondes habités ailleurs. Alors, il faut bien avoir en tête que si l'Église s'oppose à cette idée que le Soleil est au centre et que la Terre tourne autour, elle n'est pas réfractaire à tout ce qui concerne les astres. Au contraire, elle s'y intéresse grandement et même avant cela, puisque au Vatican, on va construire un observatoire pour regarder le ciel et étudier la ronde des astres. Pour quelle raison l'Église s'y intéresse autant ? La mesure du temps. Et c'est-à-dire le calendrier. Et là, il y a une spécificité sur le territoire italien avec l'histoire de du calendrier. Ouais. Nous sommes donné rendez-vous un vendredi, jour de Vénus, à 15h. Quand on dit qu'il est 15h, c'est pas du temps, c'est la position de la Terre dans l'espace par rapport au Soleil et aux étoiles. Et la mesure du temps, la détermination du calendrier est un élément essentiel dans l'organisation d'une société. Pour le monde agricole, connaître les saisons, pour le monde administratif, pouvoir relever les impôts, mais aussi pour la religion, pour déterminer des fêtes religieuses marquantes que l'on puisse fêter tous ensemble sans qu'une transmission de la donnée puisse se faire sur un territoire qui peut être extrêmement grand. Le dimanche de Pâques, depuis le concile de Nicée le 325 de notre ère, est le dimanche qui suit la pleine lune qui vient après l'équinoxe de printemps. Donc ça veut dire que l'Église a dû déterminer des tables astronomiques, ce qu'on appelle le compute, des tables de la Lune, pour pouvoir déterminer suffisamment à l'avance le dimanche de Pâques. Et puis, on vivait à l'époque sur ce qu'on appelait le calendrier julien, déterminé par Jules César en 45 avant notre ère, ou en l'an 709 de l'Empire romain, de la création de Rome. Et ce calendrier avait un petit défaut qui fait qu'on perdait on se décalait par rapport à la ronde des astres. Et on avait un décalage de 11 jours, dans les années 1582, par rapport à la réalité astronomique. Et le pape Grégoire XIII avait mené une commission de réforme du calendrier pour faire la réforme grégorienne de 1582, et ce qui a nécessité de mettre en place sur le Vatican un observatoire astronomique et aussi la mise en place de cathédrale observatoire. On va mettre en place en Italie, à Florence, à Rome, à Bologne, en se servant du volume gigantesque de la cathédrale, en perçant un trou judicieusement placé et mathématiquement déterminé par lequel la lumière du soleil passait et qui projetait l'image du soleil. En fait, c'est un sténopée d'une certaine manière qui se baladait durant la course du soleil, en fait la course de la Terre, le long du sol de la cathédrale ou de l'église, et une ligne méridienne était parfaitement déterminée, et ça permettait ainsi d'observer les mouvements apparents du soleil. Donc l'Église, le Vatican est très très très intéressé par cette ronde des planètes, du soleil. Il faut un certain courage tout de même à Galilée, compte tenu de ce qui est arrivé à Giordano Bruno, de défendre cette théorie selon laquelle c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Ouais, c'est une histoire assez complexe. Vous remarquerez que le procès de Galilée est en 1633, alors que la publication de son ouvrage qui relate toutes ses observations astronomiques sont en 1610. C'est une histoire assez complexe où l'Église n'a pas fermé les portes véritablement au départ à ces nouvelles idées. Le problème peut-être, c'est très très complexe comme problématique dans un contexte politique de contre-réforme, de perte de puissance de l'Église. Galilée est un remarquable communicant. Je pense que là, on se serait fait plaisir à l'avoir sur le plateau de France Inter. Ah ben ça, je vous confirme. Kepler, c'est une catastrophe totale. Si vous aviez invité Kepler... J'aurais pas dit non plus. Non. Mais enfin bon, il aurait fait fuir la salle, je pense. Fabuleux, personnage extraordinaire, extrêmement sympathique, agréable, mais pas un bon communicant. Galilée, remarquable, fantastique. Il aurait fait un tabac. Et peut-être qu'il est allé un petit peu trop loin, effectivement, dans le développement de ses idées. Ceci étant, comme l'a dit Galilée, face à l'Église d'une certaine manière, dites-nous comment on va au ciel, mais ne nous dites pas comment va le ciel. Il faisait une séparation entre la religion et le monde scientifique. Alors il va faire quand même des expériences. Il n'est pas qu'astrophysicien, vous l'avez dit, il est aussi physicien. Et quand on lui oppose certains arguments en lui disant « Mais oui, mais si la Terre tourne sur elle-même, si la Terre est comme ça lancée autour du Soleil, eh bien les nuages ne devraient pas tenir en place. » Un oiseau qui s'envolerait ne pourrait pas tenir. On devrait tous tomber sous le souffle. Alors il va essayer de... de faire des expériences physiques pour montrer pourquoi. Alors il y a notamment l'expérience de la chute des boulets, voilà, qu'il imagine sur un bateau en mouvement. Alors on peut l'imaginer dans un TGV. Galilée n'avait pas le TGV ou un avion. Vous êtes dans le TGV, il est à pleine vitesse, à 300 km par heure. Je fais l'expérience quelquefois dans les écoles primaires, c'est amusant, voilà. Et l'expérience par l'imagination. Mm-hmm. On lâche une bille, est-ce que la bille tombe à votre pied ou est-ce qu'elle tombe, elle est plaquée au fond du TGV du fait du mouvement de TGV. C'est amusant parce qu'en général, la moitié de la classe répond « bah non, elle tombe au pied », puis l'autre moitié de la classe répond « bah non, forcément, la bille se retrouve scotchée au fond du TGV ». Donc, bah, il y a les défenseurs de la physique d'Aristote, voilà, qui pensaient qu'effectivement, la bille serait déplacée. Voilà. Ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de prendre le TGV, et puis ceux qui le prennent plus souvent. Voilà, aussi. Et puis l'autre qui pense, voilà. Et Galilée ne va pas donner la preuve du mouvement de la Terre. Il faudra attendre 1728 pour avoir la preuve formelle, scientifique, observationnel du mouvement de la Terre, mais il prouve que cela est possible parce que la bille chute bien à votre pied et la chute va se dérouler comme si la Terre ne bougeait pas. En 1633, l'Inquisition intente à Galilée un procès retentissant. Comment va-t-il réussir à sauver sa peau? Car lui ne sera pas brûlé, vous allez nous le raconter dans un instant. Olivier Sauzereau nous emmène dans un voyage dans le temps à la découverte des astronomes italiens qui ont fait l'histoire. Nous allons évoquer d'autres grands noms dans la suite de cette émission. Vous écoutez Du vent dans les synapses en direct et en public du Festival des rendez-vous d'histoire de Blois. En 1971, l'astronaute David R. Scott lâcha au-dessus du sol lunaire une plume de faucon et un marteau. Vérifiant que les deux objets tombaient à la même vitesse, il s'écria « Galilée, tu avais raison. » I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a ten. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. Focus, I did it again, yeah, I did it again. 12 rounds in, fighting solo, but nobody wins when it ends. We'll be placing memories in frames, inviting people round to stay, and always owning up to things, to things. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. If so, I've been so lucky so far. Outrageous, I won't complain. Give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turned superhero. I'm coming in Bruce Wayne. Yeah, I did it again, I did it again. But this time I took control and turned my shit round. Sometimes you gotta cut a bitch out. I'm living again, yeah, I'm living again. All my strength to carry on. And though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. C'était Rex Orange Conti sur France Inter. Mon Blois à moi, ma ville lumineuse, Blois radieuse. Blois ne se voit que dans le soleil levant, c'est une aurore. Quelques mots de Victor Hugo sur la ville de Blois où il a passé une partie de sa vie et qu'il appréciait particulièrement. Nous y sommes à Blois en direct cet après-midi pour la 22e édition des Rendez-vous de l'Histoire avec Olivier Sauzereau. Nous parlons des astronomes italiens qui ont marqué l'histoire des sciences. Au premier rang desquels Galilée, hein, qui après avoir observé le ciel avec une lunette comme personne ne l'avait fait avant lui, acquiert la conviction que la Terre tourne autour du Soleil. Et cela va lui attirer les foudres de l'Église, hein. On l'a dit, un procès retentissant a lieu en 1633 et Olivier Sauzereau, face à l'Inquisition, il n'a aucune chance face à ses juges. Il ne va pas les convaincre, il le sait très bien, Galilée. C'est un procès absolument terrible, humiliant, effroyable. Il y va avec la crainte d'être jugé comme étant hérétique. Et là, il risquait bien entendu sa peau, la mort, de risquer comme Giordano Bruno. Alors, il y a toutes sortes de thèses autour du procès. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Et puis, je n'ai pas du tout travaillé en tant que chercheur sur le procès de Galilée, qui est un procès extrêmement complexe, la part du pape Urbain VIII, qui avait été un ami à Galilée. Les choses ne sont pas blanches et noires, elles sont très très complexes dans un contexte particulier. Toujours est-il, voilà, que Galilée est obligé de abjurer l'idée du mouvement de la Terre. On raconte, ce qui est une légende bien évidemment, qu'en sortant de l'Inquisition, il aurait frappé du pied en disant « et pourtant elle tourne », ce qui bien entendu, il l'a pensé, mais c'était certainement pas quelque chose qu'il a dit à haute voix. En tout cas, c'est sûr, il a dû abjurer. Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérends seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ses erreurs. Je le jure avec l'aide de Dieu et sur ses saints évangiles que je touche de mes mains. Moi, Galiléo Galilei, j'ai abjuré comme ci-dessus à Rome dans le couvent de la Minerve, ce 22 juin 1633, et signé de ma propre main. Galilée, interprété par Claude Riche dans le film Galilée ou l'amour de Dieu. Olivier Sauzereau, il abjure évidemment. J'en ai des frissons. Oui, la mort dans l'âme. À quoi il est quand même condamné? À quoi est-il condamné? Il a beau abjurer, il est condamné à résidence surveillée. Voilà, il est dans sa résidence à Arcetri, à côté de Florence, où il va mourir aveugle. Voilà, ce qui est le lot de quelques astronomes, peut-être par des observations parfois sans suffisamment de précautions. Et voilà. Il va quand même rester comme ça emprisonné chez lui pendant 9 ans, oui, sans pouvoir sortir, oui, et effectivement en finissant aveugle à la fin de sa vie. Oui. C'est d'avoir trop regardé le soleil dans sa lunette. Peut-être, oui. Il y a plusieurs astronomes. Cassini, notamment, va devenir aveugle également à la fin de sa vie. Alors Cassini, parlons-en, parce que après Galilée, on se dit qu'il devait être difficile pour un scientifique de décider d'être astronome quand on voit comment ça se termine. Ou de publier certains éléments. Oui. Descartes, suite au procès, il y a une conséquence directe, c'est qu'il refuse de publier finalement son ouvrage par crainte, voilà, de la réaction de l'Église. Donc ça a vraiment une conséquence tout à fait terrible, mais la marche de la science est là. La génération qui suit va développer et bien évidemment on va vers une confirmation de l'héliocentrisme progressivement. Ouais. Et Cassini vraiment, c'est la suite de Galilée, hein, au niveau de la, oui, voilà, de la frise chronologique. Cassini commence véritablement son activité professionnelle au moment pratiquement où Galilée va mourir. Il fait partie de la toute petite aristocratie. Il est dans le pays de Vintimille et il va réussir donc, après des études, à devenir astronome à Bologne sous la protection d'un prince, et il va devenir un observateur absolument exceptionnel. Il perfectionne un peu la lunette. Ah oui, Cassini. Oui. Alors n'est pas le seul. Huygens va la perfectionner également. Mais avec Cassini, on va, tout comme Hévélius, mais Cassini c'est quelque chose d'absolument incroyable, vont développer des lunettes que Molière, plus tard, en voyant les lunettes de Cassini, appellera dans les femmes savantes ses lunettes à faire peur aux gens. Oui. Alors à quoi elle ressemble ces lunettes? Ah, ce sont des lunettes quand Cassini va être invité par Louis XIV et pour finalement, dans les fêtes, même si ce n'est pas le statut, prendre en charge la tête de l'astronomie française à l'Observatoire Royal de Paris qui est en train d'être créé. Cassini met en place des lunettes qui font jusqu'à 150 pieds de longueur. Mmh. Ça fait 50 mètres de long. Ouais. C'est incroyable. Alors, ce sont des lunettes sans tube. Ouais. Ce sont des lunettes. Alors là aussi, on profite de l'art des maîtres verriers italiens qui sont parmi les meilleurs opticiens. Ce sont des objectifs qui peuvent faire 10, 15, 20 centimètres de diamètre, qui ne sont pas corrigés des défauts de chromatisme. Et pour amoindrir ces défauts de chromatisme, eh bien, on va augmenter la longueur focale de ces lunettes. Alors, et, il faut bien imaginer à quoi elles ressemblent quand vous dites des lunettes sans tube. En fait, ce sont des lentilles séparées et puis on a plusieurs opérateurs qui se promènent en essayant d'aligner tout ça. Il y en a un qui est sur la terrasse de l'observatoire tout en haut, la lentille dans un cadre en bois sur une rotule, sur le bord du vide. Le technicien qui est tout en haut dirige l'objectif vers, par exemple, Saturne. Et Cassini, 50 mètres plus bas, au niveau du sol, en pleine nuit, avec son oculaire dans la main, et essaye de trouver l'image qui flotte quelque part dans les airs. Ça paraît hasardeux, mais pourtant ça hasardeux. Marche. Et ça marche. Et il va découvrir, eh bien, la division de Cassini, la fameuse division c'est qui sépare. C'est quoi la division de Cassini? La division de Cassini, bah, au départ, on a l'impression que c'est l'anneau de Saturne, dont on a vraiment compris qu'il s'agissait d'un anneau depuis peu. Et Cassini, bah, va voir qu'il y a un anneau sombre, comme s'il divisait l'anneau en deux. Alors, on a cru longtemps que c'était fait de vide. En réalité, il y a quand même un certain nombre de cailloux, de poussière là-dedans. Et heureusement, on avait dérouté la sonde spatiale Voyager qui devait plonger dans la division de Cassini. Mais heureusement, on l'a fait dérouter sans s'en rendre compte que c'était pas si vite que cela. Et puis depuis, on sait qu'en fait, il y a plein de divisions, puisque les anneaux de Saturne sont constitués d'une multitude de divisions. Et puis, il découvre aussi des satellites. Lui aussi, alors pas Jupiter, comme l'avait fait Galilée, mais autour Saturne, de Saturne. Autour de Saturne, il découvre quatre satellites. Quatre lunes, effectivement. Il va découvrir la tache rouge, ce qu'on va appeler plus tard la tache rouge de Jupiter. Il découvre absolument des choses absolument incroyables grâce à la puissance de ses instruments, son art de l'observation. Pour certaines de ses observations, il faudra attendre quasiment parfois la fin du 18e siècle pour pouvoir réobserver avec de nouveaux instruments, une nouvelle technologie, l'achromatisme, les télescopes, etc. Certaines observations qu'avait pu faire Cassini à l'époque. Ouais, ça n'est pas pour rien que quatre siècles plus tard, des astrophysiciens ont donné à une de leurs sondes, la sonde Cassini, absolument, qui est allée voir en fait sur place ce que Cassini avait observé dans ses fameuses lunettes sans tube. Oui. Ouais. Cette sonde, elle est vraiment allée voir les satellites de Saturne, les anneaux de Saturne. Une des plus belles expériences de mission spatiale. Le vaisseau spatial Cassini, c'est un vaisseau qui est gros, quasiment comme un petit bus. Mm-hmm. Il faut plus de 10 ans pour construire ce vaisseau. Et la NASA va décider de baptiser ce vaisseau Cassini, en hommage à Jean-Dominique Cassini. C'est une mission extraordinaire dont la fin de la mission volontairement s'est terminée en 2017, en faisant plonger le vaisseau Cassini, qui s'est désintégré volontairement d'une manière très propre, on va dire, dans l'atmosphère de Saturne. Parce il aurait été fier de savoir que 400 ans après sa mort, on l'avait désintégré, en tout cas, la sonde qui portait son nom, en plongeant dans cette planète Saturne. On découvre encore aujourd'hui des satellites à Saturne. On a appris cette semaine la découverte de 20 nouveaux satellites autour de cette géante gazeuse. Alors, ce sont des lunes qui font à peu près 5 km de diamètre. On a déjà vu les plus grosses. C'est tout petit, mais l'annonce fait son effet. Ouais. Alors ce ne sont pas des découvertes de toute évidence faites à partir du vaisseau spatial Cassini, mais à partir du télescope sous Barou, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc à Hawaï. Mais ça permet à Saturne d'être maintenant la planète qui a le plus de lunes, avec 82 lunes. Elle double Jupiter, elle a maintenant 82 lunes. Les astronomes italiens n'ont pas toujours vu juste avec leurs lunettes. On fait un bond en avant dans le temps. Maintenant nous sommes en 1870. Très exactement. Et l'astronome Giovanni Virginio Schiaparelli profite d'un rapprochement entre Mars et la Terre pour faire à son tour des observations. Et qu'est-ce qu'il croit voir? Alors, il était à l'observatoire de Milan, il y a une très belle lunette, et l'œil à l'oculaire de sa lunette, il dessine la planète Mars, et il a le sentiment de voir des sortes de traînées sombres qu'il va appeler, je ne parle pas l'italien, mais canali. Il a l'impression de voir des sortes de sillons, de chenal, comme ça. Probablement qu'il ne pense pas des choses artificielles au départ, plus des choses naturelles. Et la traduction qui sera faite notamment en France par Camille Flammarion va être transformée en canot. Et là, canot, bah, c'est artificiel. Et ça va être le début de ce qu'on va appeler l'affaire des canots de Mars, qui vont être renforcés que lorsque l'astronome italien Schiaparelli va 2 ans plus tard, lors d'une nouvelle opposition, avoir le sentiment que ces canots sont doublés. Donc, il y a véritablement une civilisation qui est en train de les construire au fur et à mesure. Mars, qui les construit, qui irrigue les déserts martiens pour permettre donc la culture de se développer. Et cette affaire des canaux de Mars est à l'origine finalement du mythe du martien dont Wells va profiter dans La Guerre des Mondes. Camille Flammarion va se fasciner pour ce développement de cette idée de Mars qui est habitée. Et on peut dire, même si normalement scientifiquement cette affaire est close dans les années 1910, en réalité l'affaire est véritablement close seulement dans les années 1960. Quand on envoie des missions spatiales. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, Schiaparelli est pour l'éternité sur Mars. Oui, et un magnifique cratère sur Mars. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il fait 440 km de diamètre, ce qui est un des plus beaux cratères donc, sur la planète Mars, en hommage à ce fabuleux astronome italien. Quant au Vatican, eh bien lui, il a continué à s'intéresser aux astres. Dans les années 1930, l'observatoire du Vatican a même déménagé, un nouvel observatoire, plus loin de l'agitation de Rome, à Castel Gandolfo, au bord du lac Albano. C'est ici, dans les jardins du palais pontifical, que depuis 1939 se dresse fièrement l'observatoire du Vatican. Une quinzaine de religieux, pour la plupart jésuites et astronomes, observent depuis cette coupole les étoiles et les météorites. La science consiste à rechercher la vérité. Et comme la religion, c'est aussi rechercher la vérité, et que Dieu est vérité, c'est notre rôle en tant que religieux de faire de la recherche scientifique. Cela fait 500 ans que l'Église catholique prend part à la recherche scientifique. L'Observatoire du Vatican scrute bien loin dans l'univers l'existence d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Dans un univers si grand, gigantesque même, pour moi, il est un peu difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas d'autres êtres vivants. Des hommes d'église qui cherchent des vies extraterrestres. Bon, les mentalités ont un peu évolué. Au 19e siècle, on avait le père Secchi qui l'affirmait, qui était un très grand astronome aussi italien. Mais cela dit, en ce qui concerne Galilée, il a fallu beaucoup de temps pour le réhabiliter. Ça n'est seulement qu'en 1992 que le pape Jean-Paul II formule une tentative. Tentative, c'est pas une véritable réhabilitation. Oui, c'est ça. Alors bon, ils ont aussi maintenant un observatoire en Arizona, le Vatican. Absolument, le Vatican a toujours son département d'astrophysique, mais ils ont déménagé. À chaque fois, les déménagements sont liés aux problèmes de pollution lumineuse. Et le Vatican a un extraordinaire observatoire, un télescope tout à fait étonnant, je crois de 1,80 m de diamètre, ouvert à 1, ça fait un télescope totalement incroyable. Pour la petite anecdote, si j'ai 30 secondes, c'est un observatoire qui est international, donc qui est en Arizona, sur le sommet d'une montagne. Il y a d'autres coupoles, d'autres laboratoires, notamment un télescope binoculaire tout à fait étonnant, au foyer duquel il y a un système donc d'analyse de la lumière qui s'appelle Lucifer, qui est en fait un acronyme. Vous tapez Lucifer Vatican astrophysique, vous allez tomber sur des sites qui prouvent que d'une manière absolument évidente, il y a des sectes sataniques au sein du Vatican. Preuve en est avec cette instrumentation Lucifer. Tiens donc, Olivier Sosereau, tiens, un de vos ouvrages, je cite un de vos ouvrages, Carnet de voyage d'un astrophotographe chez Actes Sud. Et je vous demande de rester avec nous, s'il vous plaît, Olivier, puisque la suite devrait vous intéresser le passionné d'astronomie que vous êtes. Dans un instant, nous serons en ligne avec l'un des 3 prix Nobel de physique 2019, Didier Queloz. L'annonce a été faite mardi dernier. Il est récompensé pour avoir découvert la première planète évoluant hors du système solaire, autour d'une autre étoile. Il va nous raconter l'histoire de cette découverte. Si on peut oublier tout ça, le stadium, défense, arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie variée. Maradona, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si l'on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. C'est Vivarda, Vincent Delerme. France Inter, du vent dans les synapses. C'est à Saint-Michel, l'Observatoire, dans les Alpes de Haute-Provence, que deux astronomes suisses ont fait la découverte d'une planète très lointaine. Jugée plus tôt, elle est située hors du système solaire. Les deux scientifiques ont rendu publique leur découverte le week-end dernier lors d'un congrès à Florence. Henri Serin avait aujourd'hui la tête dans les étoiles. La grosse boule est une étoile. Elle se situe en dehors de notre système solaire et elle s'appelle Pégase 51. La petite boule qui tourne autour est une planète, en principe impossible à repérer car un milliard de fois moins brillante que son étoile. Seul le mouvement de rotation qu'elle impose à celle-ci permet de déceler sa présence. C'est donc en voyant tourner l'étoile Pégase que les deux astronomes suisses en ont déduit la présence toute proche d'une planète. Sa découverte est une porte ouverte sur l'astronomie de demain. Nous étions en octobre 1995, annonce de la découverte de la première exoplanète dans le journal de France 3 Méditerranée. Bonjour Didier Queulot. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des deux chercheurs suisses auteurs de cette découverte, l'autre s'appelle Michel Mayor. Et 24 ans après cette annonce que l'on vient d'entendre, votre découverte vous vaut le prix Nobel de physique 2019. Et le public du Festival des Rendez-vous de l'Histoire de Blois se joint à moi pour vous féliciter. Un grand merci à vous tous. Alors l'annonce du prix Nobel de physique a eu lieu mardi dernier. De quelle manière avez-vous appris cette nouvelle, Didier Queulot ? Alors pour moi, ça a été une grosse surprise parce que c'est vrai que ça fait quand même un certain temps que c'est dans l'air. Vous savez, on disait oui, c'était une découverte, ça pourrait être le prix Nobel et puis les gens en parlaient. Mais bon, comme ça fait relativement longtemps que les gens ont mentionné la possibilité d'un prix Nobel, moi, avec le temps, je l'avais complètement oublié, en fait. Je l'avais laissé de côté parce que, voilà, on vit pas avec une attente d'un prix Nobel. Moi, j'avançais. Et là, vraiment, je m'y attendais. Mais alors, absolument pas du tout. Parce que l'année passée, il y avait déjà eu un prix Nobel en astrophysique pour les ondes gravitationnelles. Et c'était juste impensable que le prix Nobel soit encore en astrophysique cette année. Donc, c'était vraiment une surprise absolument totale pour moi. Alors, lorsque vous avez fait cette découverte, cette exoplanète, vous n'aviez pas encore 30 ans, hein, vous étiez en thèse à l'université de Genève. Racontez-nous comment vous avez fait cette découverte. J'imagine à ce moment-là, vous ne vous doutiez pas de là où elle vous mènerait. Oui, alors c'est vrai que l'histoire, elle est assez fabuleuse parce que bon, moi mon travail c'était de construire cet instrument, Elodie, et en particulier de faire tout le système d'analyse de données qui était relativement compliqué. L'instrument était vraiment un instrument d'une toute nouvelle génération avec beaucoup d'idées novatrices. C'était vraiment l'idée de faire quelque chose qui allait faire mieux que tout ce qui était là avant. Mais je me souviens bien. Michel m'avait prévenu, m'a dit, écoute Didier, ça prendra des années pour trouver une planète, parce que Jupiter, il met 11 ans pour tourner autour du Soleil, donc on cherche des mouvements qui prendront des années. Il faut bien être conscient que voilà, tu trouveras jamais de planète. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, parce que commencer le programme, c'est génial. Je trouve que c'est bien de faire partie de cette sorte d'aventure. Et il était tellement convaincu qu'il n'y a rien allait se passer que lui, il est parti en sabbatique, donc pendant 6 mois. Donc à la fin 1994, ce mois de septembre, il est parti à Hawaï pour 6 mois. Et il m'a dit, ben voilà, je te donne les clés du programme. En gros, on avait mis en place un programme avec une centaine d'étoiles qu'on voulait observer. Ben voilà, il fallait commencer à les observer. Et puis, il y avait une vingtaine d'étoiles qui étaient plus brillantes, qui nous servaient un peu d'ensemble pilote, que j'avais décidé un peu de focaliser un petit peu mes observations pour comprendre un peu la systématique de l'instrument, pour arriver à être sûr que tout fonctionnait bien. Alors, vous imaginez ma surprise quand... Tout ça se passe à l'observatoire de Haute-Provence, où vous mettez justement cet instrument, ce spectrographe que vous notez, ce spectrographe Elodie, vous le branchez en quelque sorte, vous le connectez à un télescope qui n'est pas de toute première génération dans cet observatoire de Haute-Provence. Vous êtes donc seul, puisque votre maître de thèse a pris ses 6 mois sabbatiques du côté d'Hawaï. Et c'est finalement un peu seul que vous allez vous retrouver face à ces résultats, cet indice de la présence d'une planète, mais vous n'osez pas y croire au départ. Oui, alors vous savez, ça c'est un côté absolument fascinant de l'histoire, c'est qu'on était seul, mais au sens plus large du terme. On a construit cet instrument dans un observatoire français avec l'indifférence totale de la communauté française. Il y avait que les gens de l'observatoire de Haute-Provence et le directeur, Monsieur Véron à l'époque, qui assistait beaucoup pour avoir cet instrument parce qu'il voulait avoir un renouveau de l'observatoire. Et puis les techniciens là-bas qui étaient absolument enchantés de faire un instrument d'une nouvelle génération. Et puis André Baran de Marseille, le génial opticien qui était tout content de pouvoir exprimer son génie puis de proposer un instrument qui était novateur. Donc on était vraiment un petit groupe de gens qui étaient vraiment un peu obsessifs et finalement après moi je me suis retrouvé tout seul à faire les mesures, à être confronté aux doutes parce que j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, et j'avais tellement honte d'en parler à Michel que j'ai attendu d'être sûr avant de lui dire, Michel, j'ai trouvé une planète, et Michel a eu cette réponse extraordinaire, il m'a dit oui peut-être, attends je rentre et puis on regarde en détail. Oh, ouais, il m'a avoué après, bien plus tard. En fait, il me croyait pas, mais il voulait être gentil avec moi, donc ça montre un petit peu le côté extraordinaire du personnage. Quelles sont les caractéristiques de cette première exoplanète que vous avez découverte, 51 Pegasi B, c'est le nom que vous lui avez donné? Alors ça a été la grosse surprise, parce que la planète a la masse de Jupiter, donc quelque part elle doit ressembler à Jupiter, mais son orbite est extrêmement proche de son Soleil. Elle est 20 fois à peu près plus proche que ne l'est la Terre du Soleil. Donc ça veut dire qu'elle est très chaude, elle reçoit tellement de flux qu'elle est extrêmement chaude. C'est pour ça qu'on l'appelle un Jupiter chaud. Et la partie difficile, ce qui a fait qu'on a eu des années difficiles qui ont suivi l'annonce de la découverte, parce qu'en fait personne ne nous croyait. Ces planètes ne sont pas censées exister, elles n'ont pas d'équivalent dans le système solaire. Jupiter se trouve beaucoup plus loin. Et en fait, la raison pour laquelle elle se trouve plus loin, c'est qu'on pensait qu'elle se formait à ces distances, au-delà de la ligne, ce qu'on appelle des glaces, de la ligne de neige du système solaire. Et comment se fait-il qu'une planète comme Jupiter se trouve aussi proche? Et ça a fait que pendant 3-4 ans qui ont suivi la découverte, on a eu principalement la communauté qui n'a pas cru. Il y avait qu'un petit groupe de chercheurs qui étaient convaincus, ça pouvait pas être autre chose. Et il a fallu attendre qu'on ait ce qu'on appelle la détection du premier transit, c'est-à-dire une des planètes qui passait devant son étoile et qui crée une petite modification de la lumière de l'étoile pour avoir une mesure indépendante que cette planète existe. Et là, tout a changé avec l'explosion après du domaine après 2000. Oui. Mais les 5 premières années après la découverte, c'est pas évident de l'accepter. Aujourd'hui, Didier Queloz, 4000 exoplanètes ont été découvertes à ce jour. Alors Didier Queloz, je vous propose de donner la parole à notre historien des sciences, Olivier Sauzereau, qui est avec nous ici à Blois. La découverte de ces nouvelles planètes évoluant dans d'autres systèmes solaires que le nôtre, tournant autour d'autres étoiles, elle vient compléter l'histoire que l'on a commencé à raconter dans cette émission. Il s'inscrit complètement dans l'histoire, dans la lignée de Galilée, de Cassini, notre prix Nobel. Ah, totalement. Bonjour Didier Queloz. Déjà, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous parler parce que j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail. Puis je trouve que c'est vraiment un exemple absolument formidable d'avoir travaillé avec ce télescope que je connais le 193 de l'OHP. Voilà, vous n'êtes pas avec Hubble, vous n'êtes pas avec le VLT. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et on trouve quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas. Et on est vraiment dans le prolongement de la révolution copernicienne. C'est-à-dire que la dernière étape, c'est de découvrir la vie d'une certaine manière. Là, on sera au bout de la révolution copernicienne. Et ce monde des exoplanètes, c'est quelque chose qu'on cherchait, les astronomes, dès le 17e. Alors, bien évidemment, ils n'en avaient pas les moyens techniques, mais on est totalement dans ce prolongement de cette histoire. Didier Queloz, vous faites partie de l'histoire des sciences. Vous en avez conscience? Oui et non, vous savez. ça fait bizarre. C'est difficile d'admettre dans le monde de maintenant qu'on fait partie de l'histoire, mais oui, j'imagine, c'est sûr que la première planète restera le moment clé où on déborde du système solaire et on projette le système planétaire sur les autres étoiles, et je pense que c'est parfaitement juste ce qui a été dit. La prochaine étape évidente et probablement un des futurs prix Nobel dans ce domaine, ça sera d'identifier de la vie sur une ou plusieurs de ces planètes. Merci Didier Queloz. Encore toutes nos félicitations. Bravo pour votre prix Nobel. J'espère que vous viendrez avec Michel Mayer nous parler plus longuement de cette formidable aventure scientifique dans Du vent dans les synapses sur France Inter prochainement. Au revoir Didier Queloz et merci à vous. Au revoir, merci, avec plaisir. Au revoir. Je précise qu'ils étaient trois à recevoir le prix Nobel de physique 2019. Le troisième se nomme Jim Peebles. Il est récompensé pour ses découvertes théoriques en cosmologie. Et puisque l'on est dans cette moisson de prix Nobel, le prix Nobel de médecine a été attribué aux Américains William Kaelin et Greg Semenza et aux Britanniques Peter Radcliffe pour leurs travaux sur le contrôle de l'oxygène des cellules. Et le prix Nobel de chimie, lui, a été attribué à l'Américain John Goodenough, le Britannique Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino pour avoir inventé les batteries lithium-ion. Nous a rejoint autour de la table l'historien Pascal Briouat, spécialiste de Léonard de Vinci, dont nous allons longuement parler dans la deuxième heure de cette émission. Bonjour Pascal Briouat. Bonjour. Puisque cette première heure était consacrée aux astronomes, Léonard de Vinci s'est-il intéressé aux astres? Il est contemporain de Copernic, pour le situer dans l'histoire que nous venons de raconter. Il a vécu juste avant Galilée. Oui, alors, en écoutant le récit de cette découverte, je me disais que Léonard était sur une pente semblable avec moins d'instruments, mais il invente ses instruments. Léonard a sans doute eu l'intuition du télescope à miroir newtonien, par exemple. Mmh. Il l'a jamais construit, mais il décrit son principe. Et Léonard est le premier à avoir pensait qu'on pouvait observer les étoiles à travers une feuille en carton de manière à supprimer le scintillement. Déjà avec Léonard, alors sa conclusion, c'est qu'elles sont extrêmement lointaines, ces étoiles. Je fais pas la différence entre planète et étoile tellement facilement, mais avec lui, on passe déjà du monde clos à l'univers infini. Pascal Briouat, nous allons partir avec vous et avec l'historienne de l'art Laure Fagnard à la découverte de l'œuvre de Léonard de Vinci après le flash de 16h. Merci Olivier Sauzereau de nous avoir accompagnés pour cette première heure. On poursuit notre voyage en Italie à la rencontre de savants qui ont marqué l'histoire des sciences, toujours en direct du Festival des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles.